C'est la période. Ouais, qu'est-ce que tu t'es fait? Tu as fait sur quoi? Non, c'est ton nose. C'est le blues. Les blues? Le nose qui blues. C'est le nose qui blues. La fonte de blues. C'est quoi? C'est du sang. Alors, tout pour ta casquette. C'est un bleu.